Est-ce que je mériterais que tu m'acclames? Ou plutôt, m'acclameras-tu pour ce que je suis ou pour ce que j'incarne? Et s'il s'avère que c'est demain que je gagne, est-ce que c'est le paradis ou les flammes qui m'attendent? Suis-je entouré de mecs vrais ou y a-t-il des traîtres infiltrés dans la pointe? Est-ce que le salut de mon peuple ne se trouve que dans la révolte armée? Ma forme sera-t-elle plus utile qu'un barbare dans ce monde de cramé? Est-ce nécessaire que j'exhibe un tarpé dans le clip, tiré en l'air pour prouver que c'est chargé, ou sur toi pour prouver que suis-je tarbé? Faire de la tôle donnera-t-il du buzz à mon album? J'ai fait mes comptes, si je sors au bout de 6 mois, je pourrais même être présent pour la com. Ça fait, j'ai jusqu'à décembre pour arracher un sac. Prends 10 mois à la barre, dont 4 de sursis, et en mai j'arrive lourd dans les bacs. À quoi ça te sert, tu es l'impulsif? On va te régler, t'engageras des poursuites. On a déjà assez de soucis, c'est pas qu'on aime jouer au redu, je dirais que la vie nous a endurcis. On n'a pas grandi, on a vieilli, on est des anges aux ailes customisées, couleur treillis. Suis-je censé croire tout ce qu'ils nous enseignent sur l'Afrique, vu que c'est les vainqueurs qui écrivent les livres, les trafics, puis nous baisent à coups de guerre ethnique? Mais c'est comme ça, lorsqu'on a pris le contrôle de rien, de notre propre découpage géographique à la fabrication de notre fric. Est-ce que les RG sont sur moi? Et si le son, est-ce pour une sombre affaire de stup ou juste pour les sons subversifs que je prends? Quand je suis en stup, ils se demandent si je suis à prendre au sérieux. Quelles sont mes ambitions, mes buts, qui je représente? Un gang, une secte, un groupuscule? Est-ce que j'ai le droit de rire sur le sketch de Dieudonné? Est-il coupable de tous dont on l'accuse? A-t-il réellement fauté? Est-ce que je passerais pour un nazi si je me permettais d'en douter? Et que si je dis qu'importe la couleur, aucun peuple n'a le monopole de la douleur? S'il vous plaît, ne faites pas chier, je fais pas de compétition de mémoire. Mais un sale noir peut avoir le droit, au même titre qu'un petit fils, de déporter, de se sentir outré. Mais bref, je préférais courter, car certains sujets sont trop chauds pour ne leur consacrer que quelques mesures au milieu d'un couple. Parfois je m'interroge sur mon rôle, est-ce militer, conscientiser, ou bien me contenter de mes royalties en faisant dans le divertissement? Baiser les prods jusqu'à l'épuisement, mais est-ce à eux-mêmes qu'ils se mentent lorsqu'ils disent que le king est mort alors qu'ils sont encore vivants? Mais qui a t'attiré, qui est crédible dans son rôle d'expricant? Qui a eu le vécu le plus dur et le plus hardcore du ciment? Les petits frères me demandent plus d'où me vient un spi, ils veulent savoir si je vends. Est-ce que j'ai planqué? Est-ce qu'il y a eu retour sur investissement? Verrai-je le renouveau de mon bled avant qu'on me crève comme une merde en soudoyant l'un de mes propres équipiers pour m'assassiner? Moi qui ai pour projet de bâtir un empire financier, dites-moi laquelle des branches de la franc-maçonnerie serais-je amené à m'affilier? Mais qui a buté JFK, Martin Luther King et Malcolm? Qui se cache derrière l'attentat programmé des Twin Towers? Et est-ce que Barack Obama passera l'automne, ou sera-t-il tué par un extrémiste forcené adepte du White Power? Mille et une questions, acte 1. Affaire à suivre. Quel sera le choc de l'année 2010? L'album de l'homme que l'on nomme Tos et la famille. Prod Phaser à la musique. J'ai...